De la Bébélière à Thérèse 5 août 1897. Jeudi soir. Ma bien chère et bien bonne sœur, absorbée par mille occupations, je désespérais de trouver un moment d'entretien avec vous, si je ne dérobais à ce soir quelques instants. Si je déplorais chaque jour mon impuissance, ma pensée courait souvent vers vous et mon cœur retrouvait le vôtre dans celui de notre ami commun, le bon Jésus, qui veut bien vous conserver pour nous, connaissant combien vous nous manquerez, et combien votre influence, même terrestre, est efficace. Pourtant, chère petite sœur, en vérité, je suis prêt à tout ce que le Maître voudra de moi, d'autant plus que je crois pleinement à votre parole et à vos projets pour l'autre vie. Quoi que vous en disiez, chère petite, les oignons crus étaient un mets délicieux dont je ne me rassasiais pas. Sans doute Jésus est le trésor, mais je le trouvais en vous, et il devenait plus abordable, c'est encore par vous que désormais il viendra jusqu'à moi, n'est-ce pas? C'est vous dire que du ciel comme d'ici, j'attends tout de vous, et ma confiance sera assez puissante, pour attendre, au besoin, une action directe, et manifeste, de cette âme amie, que Jésus, fit sœur de la mienne, dans une union la plus étroite. Ma chère et bien chère petite sœur, je vous connais assez pour savoir que ma misère ne devait jamais ici-bas arrêter votre tendresse, mais, au ciel, participant à la divinité, vous en acquérez les prérogatives de justice, de sainteté, et toute tâche doit devenir objet d'horreur pour vous. Voilà pourquoi je craignais, mais, comme j'espère que vous demeurerez l'enfant gâté, vous ferez ce que vous aurez voulu sur la terre pour moi, et je crois et j'espère, j'attends de vous aussi cette confiance amoureuse qui me fait défaut encore et que je désire ardemment, estimant qu'avec elle on est heureux pleinement ici-bas et on ne trouve pas l'exil trop long. Que vous êtes bonne, petite sœur, dans cette simplicité, et cette ouverture, qui me charme en me confondant. Je suis si peu habitué à trouver cela parmi les hommes que je suis comme étonné quelquefois, mais grandement réjoui. Les détails que vous me donnez ingénument m'ont touché doucement, surtout, oh oui, surtout, celui qui découvre une délicatesse de plus de mes chères sœurs, le souvenir mortuaire et l'image du vénéré Père, au jour même anniversaire de sa mort, merci, du cœur, et aussi de ceux qui vous concernent. Comme il vous avait bien désigné, le cher Père, sa reine, oh oui, et vous êtes demeuré reine, partout, et à la veille de recevoir la dernière couronne et le dernier sacre, reine toujours. Que Dieu a été bon pour votre famille, mais qu'elle est admirable aussi. Heureux ceux qui entendent la voix de Dieu, heureux ceux qui lui obéissent si éminemment, chéri de Dieu par l'épreuve et par la gloire au ciel. Alors, vous avez toujours été Thérèse, la petite Thérèse et non pas Geneviève. Vous étiez peut-être prédestinée par ce nom. Vive donc Sainte Thérèse en ma chère petite sœur Thérèse. Voulez-vous me dire aussi comment vous êtes devenue ma sœur, par choix ou par le sort? Malgré toute la joie, tout le bonheur que j'ai de vous l'être, je ne veux à aucun prix, même à celui-là, que la rédaction vous cause du malaise, chère petite sœur, ménagez-vous, je vous supplie. Vous allez voir un nom nouveau à ma signature, depuis lundi je suis religieux de Saint François dans le tiers-ordre, et mon second patron, celui de l'Afrique, celui des tertiaires, l'est devenu mien encore plus particulièrement. Vous recevrez donc, chère, bien chère petite sœur de mon âme, l'expression de la respectueuse tendresse de votre frère, Louis de France. Marc M. Dan, archive.org. D'après Archive Carmel de Lisier.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.